Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de dédier cette émission à un anniversaire très spécial. Et oui, la bibliochouette de La Croix en Touraine fête ses 20 ans cette année, comme Radioactive d'ailleurs. 20 ans, ça se fête et justement, c'est ce week-end, c'est samedi 3 et dimanche 4 août que la célébration aura lieu. Et pour tout savoir du programme prévu, nous sommes venus à la bibliochouette rencontrer Violette Souchard, présidente de l'association. Bonjour Violette. Bonjour Marlène, bonjour les auditeurs de Radioactive. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la bibliochouette? Comment cette bibliothèque associative a vu le jour il y a 20 ans? Alors évidemment, ça va être un peu long parce que 20 ans, on n'est pas sorti de l'histoire. Hein. Donc en fait, cette association a été créée après la reprise d'une petite association scolaire qui existait à La Croix en Touraine il y a très longtemps, hein, plus de 20 ans, et qui s'appelait l'association L'Arbre à Lettres. Elle avait été créée par un directeur d'école, M. Carpi, et elle avait du succès chez les enfants. Et elle a été un petit peu ouverte chez les adultes parce qu'il y a eu des dons de livres. Donc, il y avait aussi quelques adultes qui fréquentaient. Et puis, un jour, donc moi, j'étais crucificienne, hein, j'habitais à La Croix en Touraine. Et puis, un jour, l'entreprise dans laquelle je travaillais et où il y avait une très, très belle bibliothèque très fournie a fermé et on m'a proposé les livres qui existaient dans cette bibliothèque. Donc, nous avons accepté. Et l'association L'Arbre à Lettres a mis à disposition ses bouquins aux lecteurs, à des adhérents, hein, puisqu'il fallait adhérer bien sûr. Et là, on a eu un vrai succès. Donc la mairie, la municipalité à l'époque, a décidé de nous allouer un petit local où là, on a toujours eu un vrai grand succès. On avait des enfants, nous avions des adultes. Et donc, je fais court, hein. Et donc, la municipalité à l'époque, Madame le maire, Madame Cochin, ainsi que ses adjoints et les conseillers, avec l'aide du conseil départemental, ont décidé de créer une vraie belle bibliothèque. Et donc, ça s'est fait dans un petit immeuble qui existait dans le parc Édouard André, à côté de la mairie. Alors, lorsqu'on m'a proposé de visiter cet espace, j'ai été un peu dubitative parce que c'était une sorte de cave. C'était très bizarre, aucune ouverture, c'était tout noir. Mais en tous les cas, on nous le proposait. Donc, bien sûr, j'ai accepté que ce soit cela. Et donc, nous avons créé, pour le coup, l'association Bibliochouette qui a été enregistrée à la préfecture de Tours le 4 août 2004. Ah oui, donc l'anniversaire, ça ne peut pas mieux tomber. Là, on est vraiment sur la date calendaire précise. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de fêter ces 20 ans ce week-end des 3 et 4 août. Alors le lieu, vous l'évoquiez, hein, d'un prime abord, quand vous l'avez découvert, terre battue au sol, c'était dans son jus, on va dire. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un véritable atout, parce que ce parc Édouard André, il est absolument splendide. Ah oui, ça, on a une chance extraordinaire. Les adhérents ont beaucoup de chance. Les habitants de La Croix ont beaucoup de chance d'avoir ce parc, en plus de la bibliothèque, évidemment, parce qu'il y a aussi un espace dédié aux enfants. Enfin, c'est vraiment formidable. Hein. Et puis, on a la chance d'avoir l'arrière-petite-fille d'Édouard André qui nous fait des conférences. Enfin, vraiment, on a énormément de chance. Voilà, La Croix sans le parc Édouard André, ce serait tristoun. Ce n'est pas qu'un lieu de culture, mais un lieu d'histoire aussi, ce parc. Et puis aussi un lieu où il y a beaucoup de biodiversité qu'on a pu découvrir, notamment avec le Pays Loire-Touraine. Mais revenons à notre sujet, parce qu'on pourra en parler longuement de ce parc Édouard André. Quelles sont les principales missions et puis les valeurs que vous essayez de véhiculer au sein de la Bibliochouette? Alors, la mission première, bien sûr, c'est la lecture, hein, puisque c'est une bibliothèque. Mais les bibliothèques, maintenant, sont aussi des tiers-lieux. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, généralement, beaucoup de liens sociaux. Hein. On reçoit des adhérents, mais pas que des adhérents, parce que ce sont des gens qui ont aussi envie de parler d'eux, de parler de leur lecture, de parler parfois de leurs difficultés, de leur joie, enfin, de ce qui se passe, de manière générale. Donc, à la bibliothèque, évidemment, nous prêtons des livres, nous prêtons des DVD, comme à peu près partout, pour les enfants, pour les adultes. Mais également, nous avons depuis déjà plusieurs années, hein, j'ai l'habitude de dire 10 ans depuis de nombreuses années, donc ça doit faire plus de 10 ans, nous proposons également une exposition mensuelle différente, donc tous les mois, hein, mensuelle. Alors exposition à savoir des créateurs, hein, des artistes, des peintres, des mosaïstes, des céramistes, voilà, une exposition. Si vous êtes curieux, vous pouvez venir. Tous les mois, il y a une exposition différente. Alors, les lecteurs apprécient beaucoup, les adhérents apprécient beaucoup, mais nous avons du public qui se déplace également maintenant exprès. Voilà. Et puis, évidemment, la bibliothèque, c'est aussi les animations, animations culturelles. Alors là, on insiste aussi, principalement aussi cette année, par exemple, pour les enfants. Parce que nous recevons les classes, nous recevons les maternelles, nous recevons les classes élémentaires et nous recevons des auteurs. Cette année, on a reçu une auteure théâtre jeunesse dans le cadre de la saison culturelle de la Comcom. C'est vraiment un lieu de culture, un lieu ouvert à tous, pour tous. Un lieu de lien social, un lieu intergénérationnel et où vous avez à cœur de faire se rencontrer ces différents publics justement au travers des animations. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, ça nous tient vraiment à cœur de proposer au plus grand nombre ces animations culturelles, surtout qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très apprécié. Vraiment, hein, vraiment, vraiment. On a toujours de bons retours hein, sur la Bibliochouette, hein, je vous l'avoue. On n'en entend que du bien. Et il y a une partie grainothèque aussi. Ah oui, oui, oui, oui, bien sûr. Il y a la grainothèque aussi. Donc la grainothèque, nous l'avons créée cette année. C'est une jeune maraîchère qui s'est installée à Lacroix-en-Touraine, qui est venu me voir un jour en me disant ben voilà, écoutez, ça m'ennuie un petit peu, j'ai beaucoup, beaucoup de graines, ça m'ennuie de les détruire, est-ce qu'on pourrait créer une grainothèque ? Alors évidemment, on a bien sûr tout de suite dit oui, parce que c'est très important. Cette grainothèque, donc c'est gratuit, hein, il y a des petits sachets, il y a des graines dedans, on sait de quoi il s'agit. On prend le petit sachet ou quelques graines seulement, et on peut aussi apporter ses graines. C'est très sympa et ça fait partie finalement de l'idée de la bibliothèque où on échange, on a envie toujours de partager, d'échanger. Voilà. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. Je la laisserai là. Alors, vous avez forcément des souvenirs marquants, Violette, parce que 20 années d'existence, on imagine que vous avez en mémoire des événements particuliers. Est-ce que vous auriez quelque chose à partager avec nous? Un souvenir particulier? Alors, le premier souvenir, je crois qu'on en a parlé, c'est la création de l'ouverture de la bibliothèque. Voilà, la première impression. La première impression, ça a vraiment été marquant pour moi, parce que déjà, la première impression, quand on m'a dit on voudrait créer une bibliothèque, bien sûr, j'ai été ravie. Évidemment, les bénévoles qui existaient à l'époque également. Mais la toute première impression, quand on m'a montré le local dans lequel on voulait créer une bibliothèque, là, je me suis dit... c'est drôlement ambitieux. Oui, parce qu'en effet, on l'a dit tout à l'heure, c'était de la terre battue. Il n'y avait aucune ouverture. C'était noir, quoi, comme une cave un petit peu. Donc ça, ça a été la première impression. Après, il y a quelque chose qui m'a marqué également. C'est la création des 1000 lectures d'hiver par cyclique de la région centre. Où là, nous avons reçu pendant 10 ans, chaque année, un comédien ou une comédienne pour une 1000 lectures d'hiver que certainement vous connaissez, pense. Voilà, dispositif cyclique, voilà, qui proposait une lecture à voix haute par un comédien professionnel dans un cadre un petit peu atypique, à savoir qu'on n'était pas forcément dans des lieux publics ouverts généralement. Alors pas forcément, ça pouvait être un salon chez un particulier, ça a pu être des salles communales, etc. Et donc, Bibliochouette a accueilli ce dispositif pendant les 10 années de son existence, je crois. C'est ça, exactement, pendant les 10 années. Alors, on a été un peu triste que ça s'arrête, mais en même temps, il faut toujours que les choses s'arrêtent. Donc. Et puis on imagine que 20 ans, ce n'est pas un parcours forcément toujours rectiligne. Est-ce qu'il y a eu parfois des difficultés dans le fonctionnement ou des défis à surmonter ? Alors, il y a eu une grosse difficulté dans le fonctionnement. Nous avons commencé, il y a 20 ans, par l'enregistrement de nos adhérents et de ce qu'ils empruntaient comme livres. Nous les enregistrons sur des petites cartes à la main. Donc, c'était déjà... on avait moins d'adhérents en même temps, heureusement. Aujourd'hui, on en a 400 environ. Et si on avait 400 petites fiches, là, je ne sais pas comment on ferait. Je me permets de faire une petite parenthèse. 400 adhérents, 12 bénévoles. Voilà, c'est ça, 12 bénévoles, exactement, uniquement bénévoles. Et donc, à un moment donné, la municipalité a pris la décision, avec évidemment la bibliothèque départementale qui était plus que partenaire, évidemment qui poussait à ce que nous ayons un logiciel de gestion de bibliothèque, parce que les petites cartes, ça avait quand même des limites. Donc, elle a pris la décision de faire en sorte que nous ayons ce logiciel, qui est le logiciel PMB. Ça s'est très bien passé. On a évidemment fait des formations parce que c'était à l'époque un petit peu compliqué. En 2004, tout le monde n'était pas à l'aise avec l'informatique, évidemment. Et donc, nous avons utilisé ce logiciel et ça nous a quand même drôlement facilité la tâche, franchement. Aujourd'hui, évidemment, on ne pourrait pas s'en passer. Mais... ce logiciel, nous l'utilisions, nous étions complètement autonomes. C'est-à-dire qu'on faisait des sauvegardes à chaque permanence. On était obligé de sauvegarder ce qui avait été enregistré, etc. Ça se faisait, il fallait le faire, on le faisait. Et puis un jour, il y a eu un très gros orage. Et cet orage a fait que nous avons tout perdu. Tout s'est arrêté. Donc on a évidemment alerté la municipalité puisque c'est quand même une bibliothèque associative mais avec une convention avec la commune bien sûr. Nous avons alerté la municipalité, madame le maire, etc. Et on leur a dit, ben voilà, faut tout recommencer quoi. Donc là, ça a été un vrai défi de dire, ça va être compliqué. Et ils ont également... à ce moment-là, pris la décision de choisir l'hébergement chez l'éditeur, à savoir PMB. C'est-à-dire que là, même si à un moment donné, il se passe quelque chose, même grave, à la mairie, à la bibliothèque, eux ont toujours nos fichiers chez eux. On est hébergés. Et donc, ça a été quand même un sacré problème parce que... c'était vraiment compliqué hein, de gérer sans avoir du tout l'historique de tout ce que les lecteurs avaient emprunté, etc. Bien sûr, heureusement, il y avait une sauvegarde quand même, qui était la dernière sauvegarde qui a pu vous permettre de récupérer pas mal de données. Oui, bien sûr, mais après un certain délai, évidemment. Donc là, ça a été un défi et c'était très décourageant, franchement. On a tenu bon, hein, mais c'était compliqué. Un coup dur, voilà, exactement. Surtout pour des bénévoles. Hein. Oui. On n'était pas salariés, donc moi, j'y ai passé mes journées. Hein. Compliqué. Alors, parlons maintenant de choses réjouissantes. Oublions ces mauvais souvenirs qui font partie du parcours aussi de 20 années d'investissement dans cette bibliothèque. Ce week-end, c'est la célébration des 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Quel est le programme, Violette, de ces deux journées du 3 et 4 août? Alors, ce sont deux journées de partage. Le samedi, le 3 août, à partir de 14h30, on a des lectures pour la jeunesse, une petite pièce de théâtre que nous allons interpréter avec trois bénévoles. Enfin, nous sommes trois bénévoles. Sympa pour la jeunesse, mais pas que. Alors, chaque année, l'école élémentaire compose des poésies sur un thème que nous leur fixons, avec parfois les enseignants, évidemment. Et là, cette année, nous leur avons fixé comme thème l'anniversaire de la bibliothèque. Donc, il y aura des lectures de ces poésies et ça vaut vraiment la peine de les écouter. C'est parfois très émouvant, d'ailleurs. Nous aurons également une lecture des petits mots. Alors, nous avons depuis quelques semaines une très jolie boîte avec « Souvenons-nous 2004-2024 ». C'est-à-dire qu'on demande aux adhérents, mais pas que, hein, ça peut être le public également qui nous suit régulièrement, un petit mot. Alors, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez voir faire, autant que faire se peut. Enfin, des petits mots souvenirs. Et ces petits mots seront lus. Alors, peut-être par le public présent, sait-on jamais. Sinon, ce seront les bénévoles qui vont s'y coller, bien sûr. Ça peut être aussi des enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment un après-midi de partage. Et nous avons deux partenaires, la Compagnie du Petit Bois et la Compagnie du Pile, qui, elles, ont créé une histoire. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise. Histoire et marionnettes. Et c'est une surprise pour nous également. Et oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ce n'est pas une surprise que pour le public. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, vous ne savez rien de ce qui va se passer. Du tout. Voilà. Alors, un petit appel à vos auditeurs, à savoir, vous avez envie de venir lire, de venir chanter, de venir jouer d'un instrument. Et pourquoi pas, on vous attend. Voilà, très samedi bien. Après-midi. Très bien. On vient de façon spontanée comme ça ou on vous prévient avant? On peut nous prévenir, mais on peut venir de façon spontanée. On trouvera un petit moment l'occasion. D'accord. Voilà, ça peut être sympa. Alors, en fin de journée, vers 18h, 18h30, on n'a volontairement pas mis d'horaire pour chaque chose parce que, encore une fois, c'est vraiment un partage. Alors, il y a des moments où on discutera sur ce qui vient de se passer, puis d'autres où on passera à autre chose. Donc, on n'a pas volontairement mis d'horaire. Là, quand on dit en fin de journée, c'est vers 18h30, l'apéritif offert par la municipalité. Nous les remercions une fois encore. Et un repas partagé. Alors, quand on dit repas, hein, ce n'est pas une assiette avec plein de choses dedans. C'est chacun apporte un petit quelque chose et puis on partage. Parce que vous avez dû le remarquer depuis qu'on discute ensemble, la bibliothèque à la Grande Touraine, c'est le partage. C'est le mot qui revient, je crois, le plus. Régulièrement. Régulièrement et toujours. Hein. Voilà. Alors, donc, pour le samedi, ce sera terminé après le repas partagé. Et le dimanche, nous aurons deux expositions toute la journée. Alors, depuis aussi une bonne dizaine d'années, nous avons une exposition le premier dimanche d'août, justement, tous les ans. Donc là aussi, une œuvre, une chaise. C'est-à-dire que si vous êtes amateur ou si vous êtes créateur, peinture, céramique, mosaïque, photo, voilà, vous apportez ce que vous avez envie de montrer, mais le concept, c'est une œuvre sur une chaise. C'est-à-dire qu'on n'en mettra pas deux, c'est une sur une chaise. Donc vous pouvez apporter une chaise, nous en aurons quelques-unes évidemment à vous prêter si besoin, mais le concept c'est ça, c'est une œuvre, une chaise, et c'est exposé dans le parc Édouard André toute la journée, avec surveillance évidemment, toute la journée. Et puis, alors, une autre exposition dans la salle des mariages. Il s'agit d'une exposition qui a été créée par Alain Vauvy, un de nos bénévoles très actifs. Il s'agit de l'exposition que l'on a déjà proposée à la bibliothèque, mais on a recueilli tellement de choses depuis cette exposition qu'on a envie de la remontrer. L'exposition de Camille Jamin, Robinson Millemotte. C'est un monsieur qui a créé à La Croix, il y a évidemment très longtemps, un petit peu comme le facteur cheval. Voilà, pour donner une petite idée de ce que vous verrez, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Hein. C'est de l'art brut, hein, tout simplement. Il a été reconnu d'ailleurs hein, en tant qu'art brut dans la salle des mariages. Alors il y a également une fresque à colorier de 3 mètres que nous sortons chaque année depuis 2021. Elle est coloriée par des enfants et par des adultes. Il y a des adultes qui aiment beaucoup colorier aussi. Et nous la sortirons jusqu'à ce qu'elle soit finie. 3 mètres, c'est beaucoup. Super. Et alors, ensuite, à 15h, ça c'est magique aussi, une lecture dansée par la compagnie Interligne. Il s'agit d'extraits de la première gorgée de bière de Philippe Delerme. C'est une comédienne qui lit et une jeune danseuse qui danse sur la lecture. C'est magique. Voilà, à 17h, un concert de chansons françaises par le groupe, alors que vous connaissez peut-être, ces trois-là. Il y a un guitariste, une violoncelliste et une chanteuse, et ce sera de la chanson française. Voilà. Ces trois-là, qui a d'ailleurs une page Facebook que vous pouvez aller découvrir, c'est la lettre C, 3-là, tout simplement. Voilà. Et nos deux partenaires, la compagnie du Pil et la compagnie du Petit Bois, qui d'ailleurs, compagnie du Petit Bois, est une compagnie de marionnettes de La Croix en Touraine, installée à La Croix en Touraine, dont vous avez sans doute entendu parler déjà. Bien sûr. Donc nous aurons en partenariat avec ces deux compagnies la danse des rubans et bien sûr, pour ceux qui le connaissent, et il y en a sûrement beaucoup, Ernest l'écureuil nous accompagnera durant ces deux journées. Ernest a au moins autant d'années d'existence que la bibliochouette. Oui, mais bien sûr, oui, oui, tout à fait. Peut-être même un tout petit peu plus. Ernest l'écureuil, là, les enfants de La Croix connaissent forcément Ernest l'écureuil. Parce qu'Ernest l'écureuil participe à beaucoup de choses. Et puis, évidemment, la compagnie du Petit Bois propose des choses formidables, oui, dont vous entendez parler, évidemment, sur Radioactive. Alors, un petit clin d'œil à Camille Rimbaud. Qui est Camille Rimbaud, Violette? Alors, Camille Rimbaud, c'est une jeune adhérente qui fait ses études à Paris, aux Beaux-Arts, et qui nous a créé cette superbe affiche des 20 ans. Très jolie et on la remercie encore, Camille. Vous pouvez retrouver cette affiche sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de Radioactive avec le podcast où vous pourrez réentendre tout ce que Violette nous a dit dans le courant de cette émission. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir la Bibliochouette? Est-ce qu'on peut adhérer? Comment on fait? Ah oui, oui, oui, on peut la soutenir sans problème en adhérant. Et puis aussi, on peut la soutenir en venant, bien sûr, voir ses expositions, en venant aux animations que nous organisons très régulièrement. Et voilà. Et puis passer, nous dire bonjour. Et puis venir chercher, par exemple, des graines ou venir voir ce qu'il y a dans la grainothèque, en apporter, c'est arrivé. Il y a des personnes d'assez loin qui sont venues et qui nous ont apporté un sachet de graines. Voilà, c'est très sympa. En fait, encore une fois, je crois que ce sera peut-être même quelque part un peu le mot de la fin. Nous, c'est le partage. Le partage. Et effectivement, de belles expos, et notamment une expo La tête dans les étoiles, qui est visible jusqu'à la fin du mois d'août. Exactement. Là, jusqu'à la fin du mois d'août, on a cette très, très belle exposition, La tête dans les étoiles. Et nous avons un tableau au-dessus de la banque d'accueil qui a été créé à 6 mains par 3 artistes, une peintre, aquarelliste, une mosaïste et une céramiste. Et chacune à participer à ce tableau. Il est magnifique, hein. C'est vraiment très très joli. Et puis chacune, par ailleurs, expose également à la bibliothèque leur propre création, bien sûr. Voilà. Voilà. Comme on pouvait le lire joliment sur votre site internet, 6 mains et 3 cœurs qui ont participé à cette œuvre magnifique. Merci beaucoup de votre accueil, Violette. On vous laisse retourner à vos nombreuses occupations pour organiser cet événement. Toute l'équipe de Radioactive vous souhaite évidemment un très bel anniversaire. Et puis on vous remercie de promouvoir la culture et la lecture et les animations et l'environnement et tout ce que vous faites ici à la Bibliochouette. Merci beaucoup à vous, à Marlène et puis à Radioactive. On est vraiment très heureux de participer à tout ça. Voilà. Merci beaucoup.